Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 154e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Salut la tribu, c'est Spike et je suis ravi de vous retrouver pour cette 154e déjà Vampire Fix. Je suis vraiment heureux d'être là. Je le dis tout de suite, la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission, j'ai besoin d'un peu de repos. Mais cette semaine on va faire le bordel, on va se lâcher. On commencera tout de suite avec Shibicom Calypso, le nouveau Over Nemesis, c'est sur l'album Wilk. Sorti le 31 août de 2018, on retrouve Cymbal, Inside et Light of Hope. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Devil Inside de Loaded Gun. C'est sur leur premier EP, First Round, sorti le 19 avril 2019. On retrouve Stay On Me, Sacrifice et Last Bullet. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite What a Delusion de Alton Ellis. C'est sur le best-of Pure Gold, sorti le 22 août 2011. On retrouve Cry Tough, Willow Tree et Someday notamment. On écoutera ensuite une autre nouveauté, même une exclusivité, Fuck Your Life de Dead Married. C'est un single qui est d'un album à sortir fin avril, des news très vite. Et on finira ce bloc en live avec Nemo de Nightwish. C'est sur l'album Once, leur cinquième album sorti le 5 janvier 2004. On retrouve Wish I Had an Angel, Creek Mary Blood et Higher Than Hope. Beautiful.

Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. And Qu'est-ce que c'était bon ça, Nightwish en concert. Vous êtes toujours dans la 154e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter She Become Calypso, le nouveau Over Nemesis, Devil Inside, le nouveau Loaded Gun, ils sont chez Kebra Records de Loaded Gun. On a eu ensuite What a Delusion de Alton Ellis, on a eu ensuite Fuck Your Life, le nouveau l'exclusivité de Dead Married, et on a fini ce bloc en live avec Nemo de Nightwish. On continuera avec en vinyle avec Feel Like a Number de Bob Seger and the Silver Bullet Band. C'est sur l'album live Nine Tonight sorti en septembre 1981. On retrouve Hollywood Nights, Against the Wind et Fire Lake, un classique du genre. On écoutera ensuite une nouveauté, De l'Enfer au Paradis de Maeso. C'est aussi le titre de ce superbe album sorti le 25 janvier 2019. On retrouve Retour Gagnant, La Manche, Âme Perdue. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Bad Trip Day de Abilify Fly. C'est aussi le titre de ce superbe album sorti le 15 mars dernier. On retrouve Sans Moi, Ready to Go, Affolez-vous. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. On écoutera ensuite une autre nouveauté, I Wish, le nouveau Junior Bronzer and Bald Eagles Band. C'est le projet solo de Ced, le chanteur de Captain Haddock. C'est un album pour le fun. Et on finira ce bloc en live avec Reggae Roots Reggae Rock de Dillinger. C'est sur l'album Live and Direct, sorti le 23 juin 2017. On retrouve See It 90, High Plantation et Science of Nat du son culte. We'll be right back. saison dans la course des bisons. C'est la vie de l'enfer. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Dillinger, un des fondateurs du mouvement dub. Vous êtes toujours dans la 154e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Feel Like a Number en vinyle de Bob Seger and the Silver Bullet Band. On a eu ensuite De l'Enfer au Paradis, le nouveau Maezo. On a eu ensuite Bad Trip Day, le nouveau Abelly Fly. On a eu ensuite I Wish, le nouveau Judas Brothers and Bald Eagles. Et oui, il y en aura beaucoup, beaucoup cette semaine là des nouveautés. Et on a fini ce bloc en live avec Reggae Roots Rock de Dillinger. On continuera cette émission avec Stillborn, featuring Ozzy Osbourne et des Black Label City. C'est sur l'album de Blessed Hellride, sorti le 22 avril 2003. On retrouve Stoned and Drunk, Destruction Overdrive et Dead Arrow. C'est du très très bon, c'est même du classique. On aura ensuite une autre nouveauté, Beyond My Life, le nouveau Bor. C'est sur l'album For Better and For Worse, sorti le 15 avril dernier. Un petit peu de calme là. On retrouve The Shine of Freedom, SoundClown, et Isabelle Song. On écoutera ensuite Cultivateur Moderne de Pierre-Paul Jacques, c'est sur l'album Kickston Karma, sorti en 1998. On retrouve Je sais pas jouer, À l'intérieur, Mon imagination, un classique du reggae français. On écoutera ensuite une autre nouveauté, même un truc qui est excellent, qui s'appelle Tu ne m'aimes pas de trop de mémé. C'est une nouveauté, c'est Noël Mattei, c'est un single qui vient de sortir. On les retrouve sur Facebook, YouTube. D'ailleurs, le clip de Tu ne m'aimes pas de trop mémé est visible sur YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live. Là, on va foutre le feu. Et justement, c'est Entre deux feux de la Funky Family. C'est le live au Dôme en mars 2003. On retrouve Haute Tension, Petit Bordel, Seed Squat. curiosité. Hasard.

C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit entre ciel et terre. Honnêtement, ce soir, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit un grand show. Alors, est-ce que vous êtes chaud, Marseille ? Ah, ça, j'aimais bien. Ça, c'était du rap. Ça, c'était du rap français. Vous êtes toujours dans la 154e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Stillborn de Black Label Society, Beyond My Life, le nouveau Bore, Cultivateur Moderne de Pierre-Paul Jacques. On a eu ensuite Tu me dis, tu ne m'aimes pas de trop m'aimer, le nouveau Noël Mattei. Et on a fini ce bloc en live avec Entre deux feux de la Funky Family. On continuera avec une autre nouveauté, Pray For Me de David Slam. C'est sur l'album Follow the Butterfly, sorti dernièrement. On retrouve A Life in Vain, The Enemy Within et Forgiveness. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube, toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, même une exclusivité, Lucy de Vaudou Joséphine. C'est un single qui vient de sortir. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud et toutes les plateformes numériques. Merci à Frank Sbin de m'avoir fait passer cet excellent morceau. On continuera avec les exclusivités. On aura ensuite enfin Mélodie de Mr. Alex Ja. C'est un single aussi qui vient de sortir sur SoundCloud. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, même une autre exclusivité, un reggae qui nous vient de Paris. Ça s'appelle Give Praise. C'est Ardio et Nathan Ja. Et l'album va sortir bientôt. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live, avec Ainsi Squat-il des Béroriers Noirs. C'est sur l'album Viva Bertaga, sorti en 1989. On retrouve Vietnam, Laos, Cambodge. Il tue à son petit frère, Captain Kirk, etc., etc. Un grand classique du punk français. I dreamed I was living free. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. vendredi, voulu revoir le ciel de Sunderland. Rastafari. You have to give thanks for life, you know? Give thanks for everything that you receive in life. Holy Selassie. When I rise this morning, I give praise. In my in and out, I give praise. Even if I don't eat a meal for a day, I give praise. Even when time gets rough, I give praise. I give praise, oh Jah. I give praise. I give praise for life. I give praise. When I rise up in the morning, I give praise for another day. Oh yeah. No food to eat, my belly keep burning. I keep strong and hold the faith. Yeah. When I rise this morning, I give praise. Ooh, yeah. In my in and out, I give praise. Even if I don't eat a meal for a day, I give praise. Even when time gets rough, I give praise. I give praise, oh Jah. I give praise. I give praise for life. I give praise. I got faith, so me that one meditate every day. I rise, I give praise. In a dem ya gaze. Before me touch the street, lace up shoes, but me faith. Me that some and give praise. Love and painful. I'm still grateful. Yo, every day, even though it's rough and painful, I'm still grateful. Almighty Jah give us the blessing every day. Rough and painful, I'm still grateful. Yo, every day, even though it's rough and painful, I'm still grateful. Cause I never deny no way. When I rise this morning, I give praise. In my in and out, I give praise. Even if I don't eat a meal for a day, I give praise. Even when time gets rough, I give praise. I give praise, oh Jah. I give praise. I give praise for life. On y voit dans la gnôle son pointeur pour X. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien. Toujours marteau, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la. Ah merde, c'est à moi. Vous êtes toujours dans la 154e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Pray For Me, le nouveau David Slam, Lucy, le nouveau et l'exclusivité de Vaudou Joséphine. On est aussi enfin Mélodie, un petit clin d'œil à Gainsbourg sur ce petit morceau. Merci Mister Alex Ja. On a eu ensuite Give Praise, le nouveau et même l'exclusivité de Ardio et Nathan Dia. Et on a fini ce bloc avec Ainsi Squatty, la la la la la la, des Berreriers Noirs. On continuera cette émission avec Someday, Someway en vinyle de Jeff Healy Band, pardon. C'est sur l'album See the Light, son premier album sorti le 13 septembre 1988. On retrouve Confidence Man, My Little Girl, Blue Jeans Blues, un guitariste hors pair et non-voyant. On aura ensuite une autre nouveauté, même une exclusivité, le Lion et l'Agneau des Freddies. C'est sur l'album L'Histoire des gens qui est sorti en mars 2019. On retrouve En Bleu ou en Noir, Les Flammes de mon enfance et Puis sans fond. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes numériques. Et un petit like au passage, ça peut pas faire de mal. Et on continuera avec 90s de 13. L'album doit sortir bientôt, des nouvelles très vite. On continuera avec Roots, Bloody Roots de Sepultura. C'est sur l'album Roots, sorti en 1996. On retrouve Attitude, Cutthroats et Dictator Shit, un classique du métal brésilien. Et on finira ce bloc en live avec du gros métal qui rend sourd. Take This Out de Killswitch Engage, c'est sur l'album The End of Heartache, sorti le 11 mai 2004. On retrouve A Bird Farewell, When Darkest Fall et Hope Is, 3 points de suspension. outils. Malgré la trentaine de scènes à la vingtaine, on reste des rookies. C'est pas sans peine qu'on attend d'atteindre la centaine. On s'entête à sortir des clichés pourris du rap. Le temps passe vite et j'ai autre chose que le perdre à faire de la merde. Est-ce que t'as compris? Tu capes? Pas de pâle copie, des tas de combines qu'on enregistre sur bobine. Bien sûr qu'on décolle, clavier ne s'apprend pas pendant les heures de colle. Mais grâce aux expériences durables, je débarque de nulle part. Casquette, basket, armée d'un microphone, je fais des rimes bizarres. J'enchaîne les phases belles et crapuleux. J'écrase leur merde à faire du buzz. Pas de boys band, mais des boys scouts. Old school, cause to cause. Toujours pas la peine d'hurler, la team dérange, est en chemin. Et franchement, penche sur la rime et flanche, man, sur la méthode. Que cela détonne n'est pas choquant si ça détonne. En faire des tonnes, en faire des livres et puis des tomes. Boy, on est boss, c'est les 90. Comme Jason Bond, t'as beau être bonne comme d'hab, j'serai à la bourre. Mais laisse-moi enfiler des perles, faire du surplace. J'suis sauf pas filé à l'anglaise, étalé sur toutes les surfaces. Mon harmonie idéologique, sans trompe biologique. Interne des autres types, j'ai trop d'idées. Oh tilt, médite sur cette dernière. Que si mon nom est derrière, c'est que j'fais face à la lumière. Qu'en cas de réussite, je ne ferai aucune prière. Que depuis hier, je n'y vais plus avec le dos de la cuillère. J'vais leur botter le cul avec mes souhaits taille 44. Suis-je assez clair? Des souhaits dans les concerts, les grosses prosternes, les vrais gardent le regard en face. Des proies comme une émeute en chasse. Voici l'attitude qu'on demande pour faire confiance. Si nos morceaux voyagent vers d'autres latitudes, est-ce que t'en penses? J'en ai rien à foutre. Méfie-toi de l'eau qui dort des tacs à la gorge comme sur un terrain de foot. Comme sur un terrain de foot, boy. On est bon, c'est les 90. Malgré les prédictions de l'oracle, on va surmonter l'obstacle. Vampire Fric, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Et oui, là, ça envoie du gras. On vient de s'écouter Someday, Someway en vinyle de Jeff Healy Band, Le Lion et l'Anneau, le nouveau et l'exclusivité de Freddy's 19 de 13. On a eu ensuite Roots Bloody Roots de Sepultura et on a fini ce bloc en live avec Take This Out de Killswitch Engage. 754 Vampire FX touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire FX, l'émission radio. Si vous êtes un groupe que vous souhaitez diffuser, bah, pareil, même adresse. Donc, comme je le disais, la semaine prochaine, pas d'émission, besoin d'un peu de repos. Vous inquiétez pas, dans 15 jours, je serai revenu et tout va bien aller. En attendant, portez-vous bien, je payerai le médecin. On finira cette émission avec South Park Theme de Primus. C'est sur l'album, enfin c'est même, oui, c'est un album, c'est un CD. South Park Chef Head. Allez, un petit Primus Royal. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu! Back together at last, DMX, Ozzy Osbourne, Old Dirty Bastard, and Crystal Method.